conquête du Pacifique par des communautés originaires de la mer de Chine, ce que l'on appelle l'expansion austronésienne est désormais largement étayée par l'archéologie, la linguistique, la génomique. Quoi qu'il en soit, elle constitue à elle seule une des plus extraordinaires migrations de l'histoire de l'humanité. Odyssée que nous avions commentée lors de notre première émission de rentrée. Mélanésie, Micronésie, Polynésie, les îles du Pacifique constituent à elles seules un véritable continent, s'étirant des îles Mariannes à la Nouvelle-Zélande, d'Hawaï à l'île de Pâques, un univers qui ne fut découvert que tardivement par quelques expéditions avant d'être rapidement intégré dans la mondialisation de l'époque. Le first contact, ces moments de découverte, ont été largement relatés et constituent la fin d'un monde pour l'ensemble des communautés insulaires. Pour autant, que s'est-il passé après ? À travers l'archéologie et les recherches de terrain, mon invité étudie le passé des peuples du Pacifique depuis des décennies. En Mélanésie, Polynésie et Micronésie, il est notamment l'incontournable spécialiste de la Nouvelle-Calédonie, Christophe Sand. Bonjour. Bonjour. Calédonien, vous êtes juste de passage en France. Profitons-en, d'autant que vous venez de publier un ouvrage capital au titre choc « Hécatombe océanienne, histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences » paru au vent des îles. Christophe Sand, avant de découvrir l'arrivée des premiers navires européens et leurs conséquences, évoquons en quelques mots le peuplement de ces îles. Avant tout, une diversité de populations comme une multitude de langues. Oui, effectivement, une diversité de populations qui est d'abord liée à la longue histoire du peuplement. La partie ouest, Nouvelle-Guinée, et qui intègre aussi l'Australie, est peuplée il y a 40 à 50 000 ans, alors que le centre du Pacifique, avec cette expansion austronésienne, commence à être peuplé il y a environ 3 000 ans, et l'est du Pacifique, ainsi que Aotearoa, la Nouvelle-Zélande, ne sont peuplés qu'il y a environ 1 000 ans. La Nouvelle-Zélande n'est touchée qu'au XIIIe siècle. La conséquence de tout ça, c'est que vous avez un temps infini pour le développement et la diversification des langues. Dans le nord de la Mélanésie, vous avez des langues qui sont pré-austronésiennes pour la plupart, et la grande île de Nouvelle-Guinée porte à elle seule 800 langues différentes. Le reste du Pacifique, c'est des langues austronésiennes, mais parfois avec des diversités extrêmes. Par exemple, le Vanuatu, qui est un archipel de Mélanésie, à lui seul, pour une population aujourd'hui d'environ 300 000 personnes, plus de 120 langues différentes. Bien entendu, aussi bien les arrivées successives que les mélanges, que les adaptations et les effets entonnoirs génétiques locales sur ces petites îles ont fait que vous avez une diversité anthropologique, on va dire ethnique, qui a finalement été caricaturée par Dumont d'Urville dans les années 1820, en voulant voir des îles avec des populations noires en Mélanésie, des populations plus claires en Polynésie, et puis cette espèce de patchwork dont ils savaient pas très bien quoi faire dans le nord, la Micronésie. Cette diversité, nous l'apercevons aussi au travers des organisations politiques et sociales, marquées par une forte hiérarchisation ou non. Effectivement, le Pacifique a servi aux archéologues et aux anthropologues pour imaginer ce qu'avait pu être l'histoire de l'évolution sociale et politique et symbolique de l'Occident à partir de la période néolithique. Et donc, on est allé puiser dans le Pacifique des modèles, celui de la société à grands hommes pour les débuts du néolithique, puis celui des chefferies et des proto-états en Polynésie. À chaque fois, en caricaturant, bien entendu, la complexité des sociétés océaniennes et en oubliant que ces sociétés se sont développées sur un temps très long, et vouloir imaginer les sociétés, entre autres mélanésiennes, qui pour certaines étaient là depuis plusieurs dizaines de milliers d'années, étaient toujours restées à des stades primitif d'organisation sociale, c'était totalement se tromper. Oui, c'est les systèmes d'Hawaï ou de Tonga qui ont été définis comme même des états archaïques. Vos recherches ont essentiellement porté sur des périodes anciennes, précoloniales, notamment la fameuse culture Lapita. Pourquoi se pencher sur la période coloniale et dans une recherche paléo-démographique ? Le centre d'intérêt principal de mon travail dans le Pacifique, c'est les sociétés traditionnelles. J'ai travaillé effectivement sur des périodes plus anciennes, comme j'ai travaillé sur la période coloniale en Nouvelle-Calédonie avec le bagne. Mais le cœur de mon intérêt d'archéologue, c'est les sociétés traditionnelles, disons du dernier millénaire avant les premiers contacts européens. Et très tôt, il m'est apparu qu'on avait un problème. Ce qu'on voyait, nous, sur le terrain en tant qu'archéologues, c'est-à-dire des espaces densément occupés avec des sites archéologiques extrêmement nombreux, parfois dans des vallées ou des îles qui étaient à moitié dépeuplées, eh bien, ça ne correspondait pas très souvent à la vision anthropologique et ethnographique qui était donnée de ces sociétés, en particulier en Mélanésie, en particulier sur la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie. Et donc, au cours des 30 et quelques dernières années, j'ai accumulé de la donnée pour essayer de questionner ce qui semblait être un décalage incompréhensible entre la vision ethnographique et la vision archéologique de ces sociétés de pré-contact ou juste du moment du contact. Et puis voilà, j'arrive à la fin de ma carrière, donc il est temps de mettre ça sur papier. Faire de la démographie, c'est se baser bien sûr sur des recensements de population, des chiffres, mais dans le Pacifique, ces recensements datent vraiment d'hier. Donc il a fallu aussi créer d'autres outils. Le premier outil, celui qui m'a sensibilisé, c'est l'archéologie. Et c'est un outil essentiel parce que on a aujourd'hui assez de cartographies d'anciens sites. On sait, grâce aux fouilles archéologiques, que ces sites étaient occupés pendant des générations, si ce n'est des centaines d'années. Et donc, on a déjà, pour le moment du contact et les siècles précédents, un certain nombre d'informations. Puis, je me suis replongé dans les textes de ce qu'on appelle les découvreurs, qui sont finalement juste des Européens de passage, qui ont laissé des descriptions parfois extrêmement précises de ce qu'on appelle le premier contact réciproque, en indiquant très souvent qu'il y avait beaucoup de monde sur ces îles. Et pour certains, ils ont même fait des estimations de population pour certaines îles. On peut penser à Tahiti, on peut penser à Hawaï, etc. Ensuite, il y a les premiers Européens qui s'installent. Et dans la grande majorité des îles, ce sont les missionnaires. Et ces missionnaires, où qu'ils soient, ils ne voient pas la même chose que ce qu'ont vu les Européens précédents, les James Cook, les Bougainville, les La Pérouse, les Wallis. Ils voient quelque chose de bien différent, des îles avec des systèmes politiques déstabilisés, avec des populations beaucoup moins nombreuses que ce qui avait été décrit parfois juste 20-30 ans avant. Et puis après, il y a les administrateurs coloniaux de la deuxième moitié du 19e siècle, très souvent, qui eux-mêmes font souvent l'observation que ces populations sont en train de mourir. Christophe Sand, l'archéologie est-elle réellement un vrai bon moyen pour faire de la paléodémographie ? L'archéologie est fort peu développée en Océanie. L'archéologie est effectivement moins développée qu'ailleurs. Elle est moins développée qu'ailleurs, mais vous seriez étonné du nombre de recherches archéologiques qui ont été menées à travers le Pacifique au cours des 30 dernières années, avec parfois des études vraiment de pointe. Et aujourd'hui, on a un outil absolument merveilleux à notre disposition, c'est le LIDAR. Qui cartographie, donc, tout ce que l'on ne peut pas voir en végétation. Exactement, ça produit des images d'espace sous les forêts, sous la végétation, avec toutes les irrégularités de terrain. Et donc, ça fait ressortir les tertres des anciens habitats, les murs des parcellaires des champs, les terrasses des anciennes taraudières, les fortifications quand il y en a. Ces travaux viennent confirmer ce qu'on avait déjà soupçonné en faisant nos cartographies à la boussole et au décamètre depuis plusieurs générations, c'est que ces îles ont des paysages archéologiques datés de la période des premiers contacts qui sont très denses. L'étude des squelettes au travers de l'anthropologie est parfois même un peu limitée par les populations ? Il est évident que on peut pas fouiller des squelettes dans le Pacifique comme on le ferait en Europe. Il y a un respect pour les ancêtres et les morts qui font que il faut des demandes préalables, il faut des autorisations. On ne déplace pas les ossements. On peut éventuellement demander l'autorisation de faire quelques prélèvements. Et donc, le travail qui peut être imaginé, par exemple, sur les grands cimetières de la peste de la fin du Moyen-Âge en Europe, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable dans le Pacifique, en tous les cas, aujourd'hui. Donc un travail limité mais respectueux des coutumes et des traditions locales. Quelle idée a-t-on de la densité de population durant les périodes pré-contact ? Alors, les calculs sont des calculs qui se révèlent extrêmement variables. Contradictoires. On pourrait dire effectivement un peu contradictoire. Dans les îles qui ont été les peuplées le plus anciennement et qui sont les plus grandes, c'est-à-dire les différents archipels de Mélanésie, où vous avez des îles qui peuvent faire 300-400 kilomètres de long, on a des densités de population paradoxalement très faibles. Même quand on a des chiffres de population qui sont trop hauts pour être acceptés par tout le monde et en particulier par les anthropologues. Avec des densités d'occupation qui tournent entre 5 et 15, 20 habitants au kilomètre carré. Quand vous passez sur des îles plus petites, dans le centre et dans l'est du Pacifique, vous pouvez assez rapidement dépasser 50 habitants, 100 habitants au kilomètre carré, et parfois jusqu'à 120, 140 habitants au kilomètre carré, sachant que vous avez quelques exemples sur des atolls où on atteint 200 habitants au kilomètre carré. On a donc une énorme diversité qui pose question parce que quand vous regardez les paysages archéologiques de certains archipels de Mélanésie, ils n'ont rien à envier à des paysages archéologiques de Polynésie. Parfois, ils sont même plus denses. Et donc, les chiffres même hauts qui sont proposés dans le livre pour les archipels mélanésiens sont probablement encore trop bas. L'archéologie est un va-et-vient permanent entre le passé et le présent qui débouche sur une restitution virtuelle. Étudier la dépopulation océanienne des derniers siècles, bien sûr, s'avère donc pour l'archéologue une véritable et effarante plongée. Oui, ça a quelque chose d'humainement, plus que professionnellement, d'humainement douloureux. Parce que, contrairement à des études sur un passé lointain de plusieurs centaines d'années ou milliers d'années, là, le travail, il se concentre sur une catastrophe démographique impactant un tiers de la surface de la planète, quand même, et qui ne s'est achevée que après la Deuxième Guerre mondiale pour certains archipels. C'est-à-dire que les Océaniens que je croise tous les jours, que je rencontre quand je vais sur le terrain dans les îles, ils sont les descendants directs à 2, 3, 4 générations des événements dramatiques des populations qu'a vécu le Pacifique jusqu'à la fin du 19e ou au début du 20e siècle. Donc dès l'arrivée des premiers Européens, et cette arrivée, elle est très précoce, n'est pas celle de Cook ou de Wallis, elle se fait bien avant. Voilà, l'image du Pacifique, c'est l'image de Cook, effectivement, pour les Européens. C'est la nouvelle cité. C'est Bougainville, c'est Tahiti, les Tahitiennes, etc. Mais on a oublié, ou on feint d'oublier, grâce aux historiens anglo-saxons qui ont mis en avant l'image géniale de Cook, que le Pacifique est traversé par les Européens moins de 30 ans après le premier contact de Christophe Colomb dans les Caraïbes. Et tout le monde le connaît, c'est Magellan. Magellan, il traverse le Pacifique en 1521. Alors, on ne sait pas très bien où il a des contacts, parce que c'est resté relativement secret, mais quand il fait finalement contact avec des Océaniens en Micronésie, sur l'île de Guam, eh bien, il y a énormément de gens sur l'île de Guam, dans un contexte de rivalité qui font que, dès les premiers contacts, il y a des morts. Parce que les Espagnols sont extrêmement violents contre les Océaniens. Vous n'êtes pas le premier à ressentir un trouble, un silence de mort. Tels sont les mots de certains voyageurs du 19e parcourant des villages totalement désertés. Ah mais c'est exactement ça, quand vous êtes sur des îles en Polynésie ou dans le fond de la vallée de la Papeno à Tahiti ou sur l'île d'Alofi en face de Futuna, que vous avez personne à des kilomètres à la ronde alors que vous êtes au milieu de villages, de champs agricoles, de cimetières, de fortifications, effectivement vous sentez la puissance ancienne de ces occupations et l'absence des hommes aujourd'hui, avec un sentiment que ces endroits qui sont vides, en fait, sont pas vraiment vides. Il reste un souffle, il reste une mémoire, il reste un mana, comme disent les Polynésiens. Le souffle des vieux ? C'est exactement ça. Il est présent, il est toujours là. Et bien sûr, le mana, une sorte d'esprit, une sorte de force ? C'est quelque chose d'extrêmement complexe en fait le mana, mais polynésien. Mais c'est cette idée que il y a une énergie qui est là et même si elle est invisible, elle parcourt l'espace et elle est présente dans ces vallées aujourd'hui abandonnées. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Christophe Sand, quelles étaient les maladies présentes en Océanie avant l'exploration européenne et quelles seront les maladies introduites par les Européens ? Alors, il est très clair, par aussi bien les descriptions des premiers Européens que les études sur les squelettes, que les Océaniens avaient très peu de maladies. La plus importante était le pian, c'est une maladie de peau. Un certain nombre de maladies dégénératives comme l'éléphantiasis qui fait énormément gonfler les membres, entre autres les jambes. La malaria pour une partie de la Mélanésie, mais c'est quasiment tout. Partons en Polynésie orientale avec un exemple historique très bien documenté, l'île de Rapa dans les îles australes françaises, aujourd'hui peuplée de 512 habitants. Rapa est l'une des îles les plus isolées du Pacifique. George Vancouver la découvre le 22 décembre 1791 et estime la population entre 1500 et 3000 âmes. Mais que se passe-t-il après ? Après, pendant deux décennies, il n'y a quasiment pas de contact, mais on sait qu'il y a des bateaux qui s'arrêtent. Et on a des informations à partir du début des années 1820, dans le cadre d'un processus de missionnaire de christianisation. Et les informations écrites des missionnaires et des teachers polynésiens, tahitiens qui viennent sur l'île sont extrêmement clairs. Dès que les échanges et les transports de bateaux à partir de Tahiti commencent à augmenter, il y a introduction de toute une série de maladies. Grippe, tuberculose, rougeole, probablement oreillon, sans parler des maladies sexuellement transmissibles, qui ont un impact absolument foudroyant sur la population. En moins d'une décennie, les deux tiers de la population disparaissent. Et on va suivre, grâce, entre autres, aux écrits des missionnaires, cette longue descente sur 75 ans de la dépopulation, faisant passer l'île d'une situation de plusieurs milliers d'habitants à environ une centaine d'habitants à la fin des années 1860. 160 personnes en 1846, Rapa perd en 76 ans un minimum de 95% de sa population. C'est vertigineux et on ne le sait pas en général. Tahiti est découverte en 1767 par Wallis. Bougainville s'y arrête l'année suivante. Les marins de James Cook découvrent nombre de villages désertés un an plus tard. Que s'est-il passé ? Eh bien, on sait que Wallis, qui reste longtemps, son équipage découvre les faveurs sexuelles des Tahitiennes, mais en se méprenant, comme va le faire Bougainville juste après, juste les Tahitiens, ils ont peur. Et ils ont compris que ces hommes, ils veulent des femmes. Et donc, pour ne pas subir la suite des bombardements à coups de canon et des coups de fusil qui ont marqué l'arrivée de Wallis à Tahiti, eh bien, ils acceptent de donner des femmes. Quand Bougainville arrive quelques mois plus tard, eh bien, les gens sont paniqués et donc vont répéter le scénario, ce que Bougainville va totalement comprendre à l'envers et va croire qu'il est tomber sur l'Éden, cette île est le paradis sur terre avec ces femmes qui s'offrent, alors qu'en fait non, elles sont données par les hommes pour essayer de faire partir au plus vite. D'éviter la mort. Voilà. Et donc on sait que l'équipage de Wallis introduit la syphilis, on sait que l'équipage de Bougainville introduit la gonorrhée, on sait que les arrêts de Cook vont introduire d'autres maladies comme la grippe, etc. La peste arrivera très vite avec le rat. Voilà, elle arrivera dans certaines îles assez rapidement. Et bien, ces populations, elles ne sont pas immunisées contre toutes ces maladies. Et les Européens sont témoins d'épidémies, de gens extrêmement malades, de gens qui se plaignent auprès des Européens en disant c'est de votre faute sinon on est en train de mourir. Et d'un début de déstabilisation du système politique, social, symbolique, qui entraîne une multiplicité de guerres qui vont en fait augmenter au fur et à mesure de la débâcle démographique entraînée par ces épidémies mortelles qui, pour certaines, on a des exemples d'une épidémie de grippe qui emporte 25 à 30% d'une population en quelques mois. La population de Tahiti va chuter aussi, là encore, autour de 80-95%? Absolument, on est quelque part entre 94 et 95% de la population, dans un contexte où les anthropologues et les démographes historiques traditionnels, orthodoxes, jusque dans les années 80, pensaient en fait que la dépopulation avait été une dépopulation autour de 60-70% et pas plus. Dans l'archipel de Wallis, vous avez trouvé ce qui pourrait être un charnier épidémique? Oui, au sommet d'un Faitoka, c'est une ancienne sépulture de pré-contact. Dans les 25 centimètres supérieurs, on a trouvé une soixantaine de squelettes enterrés pêle-mêle, les uns sur les autres, visiblement à très grande vitesse. On sait que ces squelettes datent d'après les premiers contacts, puisque on a trouvé des perles en verre vénitiennes sur certains de ces squelettes. Et de toute évidence, on a affaire là à une forme de charnier, de probablement d'un épisode épidémique qui a eu lieu entre la fin du 18e et le début du 19e siècle. Aux îles Tuamotu aussi, donc dans un temple, un marais, a livré donc quantité aussi de squelettes de la sorte qui pourrait bien être un charnier épidémique. Les épidémies entraînent-elles un processus de déstabilisation sociale, politique ? Imaginez que vous perdiez en 3 à 4 mois à peu près 30% de votre population et que cette épidémie, nécessairement, elle va faire aussi mourir les prêtres, elle va faire aussi mourir les chefs, elle va faire aussi mourir les gens de l'élite et donc va se créer effectivement une tension d'abord sur des questions de succession et puis des questions symboliques sur pourquoi on meurt, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que on a fait quelque chose de mal envers nos dieux ? Est-ce que c'est des ennemis qui nous ont envoyé des médicaments magiques qui nous font mourir ? Et la multiplication des épidémies, parce que c'est là une des particularités majeures de cette période, c'est que l'arrivée régulière de navires va entraîner une multiplication de ces épidémies les unes derrière les autres, eh bien va entraîner un effondrement des anciens systèmes d'équilibre sociaux, politiques et symboliques. De façon étonnante, il apparaît que durant la première moitié du 19e siècle, en fait, toutes les îles du Pacifique sont en guerre, mais les Océaniens contre les Océaniens, c'est-à-dire des gens dans les îles, c'est pas encore des guerres contre les Européens. Christophe Sand, avez-vous entrepris la synthèse de la proportion moyenne de la chute démographique à travers le Pacifique ? Alors, dans cet ouvrage, il y a une cinquantaine d'études de cas qui couvrent l'ensemble du Pacifique. Il y a certaines îles pour lesquelles il y a très peu d'informations, donc j'ai pris l'information telle que je l'avais. Je prends l'exemple d'une île bien connue, c'est Bora Bora, en Polynésie orientale, où la chute de population semble être relativement peu importante, environ 35%. Quand on sait que l'île d'en face, Raiatea, a une chute de population d'au moins 85%, on peut se poser la question de la validité du résultat sur Bora Bora. Néanmoins, en prenant toutes ces différents exemples, on aboutit à une chute globale sur le Pacifique qui tourne autour de 87,5% de la population entre les premiers contacts et la fin du 19e ou le début du 20e siècle. Donc c'est plusieurs millions de personnes. Absolument. C'est une hécatombe qui probablement a atteint les mêmes proportions que sur le continent américain, avec quelque chose qui est néanmoins important à souligner, c'est que si certaines îles ont pu perdre plus de 95% de leur population, d'autres îles ont mis en place des mécanismes qui ont fait que la dépopulation n'a atteint que, excusez-moi d'utiliser le terme de que, n'a atteint que 80 à 85%. Quand ce processus vertigineux de dépeuplement est-il enrayé ? Semble-t-il assez tard ? Dans les îles les plus anciennement en contact avec les Européens, on peut prendre par exemple certaines îles de Micronésie, la dépopulation se termine à la fin du XVIIIe siècle, mais parce que le contact a eu lieu 250 ans plus tôt. À travers la majorité du Pacifique, la dépopulation s'arrête à la fin du XIXe siècle. Mais en Mélanésie, elle se poursuit durant la première moitié du XXe siècle et pour certaines îles, je pense entre autres certaines îles du Vanuatu, la fin de la courbe de dépopulation, c'est juste après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire hier. Parmi les autres facteurs, il y aurait l'installation missionnaire, les armes à feu, bien sûr l'alcool, le blackbirding, qui est une sorte d'esclavage et de transfert de population. C'est le cas, par exemple, de l'île de Pâques. Quel est l'impact de tous ces événements sur les traditions culturelles, voire même symboliques de ces sociétés océaniennes ? L'impact est absolument énorme. Les gens sont en crise de sens parce que, véritablement, ils se sentent disparaître. Ils ont le sentiment qu'ils vont être rayés de leur île par ces maladies, par les guerres qui se passent, par également l'arrivée des Européens qui, eux, ne meurent pas. C'est-à-dire que les gens voient arriver des Européens, entre autres des missionnaires. Les missionnaires provoquent de façon involontaire des épidémies. Les gens meurent et comprennent très vite que c'est à cause des missionnaires qu'ils meurent. Mais les missionnaires, eux, ne meurent pas. Et donc, il y a une perte de confiance en soi, un sentiment de terreur d'être effacé de la surface de la Terre. Donc, bien entendu, si vous y réfléchissez bien, de quoi parlaient les missionnaires ? Les missionnaires, ils parlaient de la mort. Convertissez-vous, sinon vous allez grillé en enfer. Et qu'est-ce qu'il montrait comme image ? L'image d'un homme mort sur une croix. Et donc, toute une partie du processus de christianisation rapide qu'a connu le Pacifique durant la deuxième moitié du XIXe siècle, il est probablement avant tout lié à une recherche de protection, beaucoup plus que, véritablement, dans un premier temps, la découverte de la vraie vérité. Nous voici autour d'un traumatisme historique transgénérationnel, bien sûr, toujours très présent. Aujourd'hui, la mort de la culture et des traditions liées à la mondialisation est-elle un héritage de cet effondrement démographique ? Quelque part, il y a un sentiment effectivement d'être passé tout près de la disparition. Et aujourd'hui, le sentiment est que la mondialisation du 21e siècle est un danger mortel pour la culture, ne l'est plus pour la démographie, mais c'est le même sentiment de l'effacement et du risque de l'effacement qui explique que les Océaniens soient aussi attachés à valoriser et à défendre leur culture. Christophe Sand, merci beaucoup. À lire vraiment absolument « Hécatombe océanienne, histoire de la dépopulation du Pacifique et ses conséquences, 16e-20e siècle, paru au vent des îles ». Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Alexandre Dang et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.